hier dans le tram qui m'endormait vers le centre. Je pensais à la guerre, à la der des der. Je rêvais que j'étais sur le front à Péronne, dans une affaire d'hommes, la bataille de la Somme. Je sais pas où je tombe, mais ça a explosé. Y'a de la flotte partout, j'ai froid, et je sens plus mes pieds. Plus loin, je vois Prunette qui me fait des grands gestes. À sa tête, c'est net, je me suis fait péter les lunettes. J'ai pensé à Suzanne en sautant la guérite. Elle disait qu'il fallait qu'on arrête ce bad trip, que j'oublie pour de bon ces merveilleux tétons, que de reboire avec moi, c'était non, car sans suite, quelle histoire. Pas d'avenir, nous, et les champs d'honneur, les médailles à titre posthume. Mort pour la France, dans un grand trou qui fume. Voilà ce qu'il se passe lorsqu'on est voltigeur. On pense à sa life, et puis, c'est là qu'on meurt. C'est l'amour qui nous tue, pas vraiment les obus. Mais nous autres, les poilus, on a du cœur et pas de cul. C'était le der des der de coups tirés en l'air. C'était la der des der de lovely lovely guerre. C'était le der des der de coups tirés en l'air. C'était la der des der de lovely lovely guerre. C'était le der des der. Passer dans le ciel plombé les débris du sergent qui nous a commandé. Et ouais mec, la rage non plus ça ne protège pas d'une rafale de shrapnel quand on ne s'y attend pas. Prunette murmure qu'on a foiré la session. Je m'en doute un peu vu la taille de l'obus que j'ai dans le fion. Elle est si jolie couchée sur son canon. On oublierait presque qu'il lui manque. Ça explose et ça gicle pour de vrai. Un clodo dégueulasse a repeint le pantalon d'une blonde canon calibre 77, pétrifiée par l'horreur de sa situation. Elle était bien avant, elle est plus moche maintenant. L'envie c'est souvent court et ça ne dure qu'un instant. On pense que c'est l'amour, ces fabuleux tourments, mais en fait c'est un leurre, un coup tiré à blanc. C'était le der des der de lovely lovely gang. C'était le der des der, disent tous les braves gens. C'était le der des der de lovely lovely gang. C'était le der des der, disent tous les braves gens. C'était le der des der de lovely lovely gang. C'était le der des der, disent tous les braves gens. Dans mes rêves, là-bas c'est la trêve. L'artillerie s'est tue. Maintenant, pour les cocus, la mitrailleuse va cracher. We'll be right back. dans ma tête fêlée. Mon casque adrien sert au japonais. Près du barbelé où l'on a explosé, il y a une douille de mortier dont il manque la fusée. Dessus, un cochon a gravé son nom et pas d'autre choix que ce que nous faisons. Ça me rappelle une phrase d'un super film de guerre où l'on pratiquait le retour en arrière. Mais vrai, je déraille, j'ai pris trop d'acier, je quitte mon tram qui pue la tranchée. Dans la poche, j'ai ce texte pour prunette. Le dixième, le dernier, le der des der. C'était la terre des terres, lovely, yeah.